Ce vendredi à la vie en BD, le début d'une nouvelle vie, la tragique destinée de l'idiot, l'histoire du parlementarisme au Québec et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 pour jaser bande de dessinée, pour jaser 9e art. Et cette semaine, deux albums vraiment bien différents et deux albums vraiment bien réussis également qu'on a le plaisir de vous proposer pour nos deux entrevues. Alors en deuxième moitié, on ira jaser avec Julie Rochelot autour d'un album absolument superbe qu'elle a livré tout récemment du côté de Casterman. C'est avec la scénariste Véro Cazot. Ça s'appelle Betty Boob, l'histoire d'une jeune femme qui, suite à une mastectomie, doit se réinventer, se réapproprier son corps, se réapproprier les cicatrices du cancer sur son corps, sur sa tête. Et bref, c'est son histoire racontée dans une BD muette qui est absolument superbe. Je le souligne plusieurs fois, vraiment, là, un beau coup de cœur de mon côté, d'ailleurs, cette lecture. C'est un parcours qui va du tragique au comique, du burlesque au réel. On joue avec les degrés de narration, on joue avec les teintes, avec les textures, avec les ambiances. C'est léger, mais c'est lourd en même temps, mais pas trop, juste assez. C'est extrêmement souriant, c'est extrêmement éclatant, c'est empreint d'une belle folie. Donc vraiment, vraiment, une très, très belle BD. J'ai hâte de vous en parler donc tantôt avec Julie Rochelot. Également, dans quelques instants, on aura le plaisir d'échanger avec Jocelyn Bonnier, qui est l'auteur d'une adaptation BD de L'Idiot de Dostoïevski. Et sincèrement, en fait, quand j'avais vu passer le premier tome, je m'étais dit, mon Dieu, on réussit à faire une adaptation en BD de Dostoïevski. Donc déjà, en soi, c'est pas rien. Et en plus, ben son adaptation, elle est excellente. Vraiment, il a livré là, je trouve, un excellent, excellent coup. Donc, le premier tome qui m'avait happé, littéralement, je suis tombé dessus par hasard il y a ça déjà quelques années. Deuxième tome qui a été lancé un peu plus tôt cette année, en début d'été, fin de printemps. Alors, j'avais très, très envie d'échanger avec l'auteur, justement, pour en apprendre un peu plus sur les coulisses de cette adaptation-là et du travail titanesque qu'il a dû avoir à faire pour livrer cet ouvrage-là. Et en même temps, mais pour vous enjoindre aussi et jeter un coup d'œil, c'est pas nécessairement un livre qui sera facile à retracer, c'est auto-édité, mais si vous le faites, vous ne le regretterez pas. Également, en fin d'émission, il y a aussi Michel Giguère qui sera de passage pour remettre la table sur la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD. Et évidemment, on va jaser de bien d'autres sujets. Alors, c'est le menu pour cette semaine à La Vie en BD. Et comme à l'habitude, on commence avec quelques actualités. Une triste actualité pour commencer, en fait, décès d'Henri Moraes, de son vrai nom Herz Askenassi, qui avait 95 ans, donc décédé la semaine dernière à Paris. Il était dessinateur de presse et ami de Sempé et Goscinny, qui s'était d'abord orienté vers la peinture avant de commencer à publier ses dessins dans la presse au début des années 1950. Alors, voilà, donc, disparition de ce dessinateur de presse. De manière plus légère, si vous avez envie de vous initier à la bande dessinée, la Haute École d'Art HEAD de Genève organise un cours en ligne, enfin un MOOC si vous préférez, intitulé Initiation à la bande dessinée pour tous, un cours donc en ligne gratuit offert sans prérequis qui vient tout juste de démarrer là. Alors il va durer 7 semaines. Si vous avez envie de plonger là-dedans, allez jeter un petit coup d'œil. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Genève, je mentionne au passage que son école supérieure de bande dessinée est officiellement ouverte. Ça avait été présenté en décembre 2016, je crois, par Zep et et Tom Tirabosco, eh bien, ça a ouvert ses portes comme prévu à la rentrée 2017. Alors, on propose une formation de 2 ans qui intègre la bande dessinée, le dessin de presse, le reportage dessiné, la narration, le scénario, l'animation. Alors, on parle d'une première promotion de 18 étudiants qui a commencé son parcours de ce côté. Une bonne nouvelle également pour la bande dessinée, en fait, le chiffre d'affaires du secteur qui a bondi de 20% en 10 ans, selon une étude réalisée pour le compte du syndicat national de l'édition. Alors, longtemps décrite comme une affaire d'hommes et de spécialistes, mais finalement, la bande dessinée, on se rend compte qu'elle a clairement changé de statut. Alors, le rapport s'intitule « La bande dessinée, une pratique culturelle de premier plan, qui en lit, qui en achète », rapporte que le secteur de la bande dessinée affiche une forme éclatante, avec une croissance de 20%, donc je le rappelle, de son chiffre d'affaires au cours des 10 dernières années. 8,4 millions de Français, puisqu'évidemment c'est une étude qui s'intéresse au marché français, donc achète de la bande dessinée. C'est environ 15,5% de la population là-bas. Et le secteur, donc la BD, c'est ici au troisième rang d'édition française, derrière la littérature générale et l'édition jeunesse, 14% des parts du marché. Et selon l'étude, ben, l'acheteur de bande dessinée serait âgé de 41 ans en moyenne. Il appartiendrait à des catégories socio-professionnelles supérieures et à 53% serait une femme, même si 64% des BD qu'elles achètent sont destinées à un tiers. Et participe, mais ce qu'on dit, c'est que le franco-belge attire un lectorat majoritairement féminin de l'ordre de 54%, comme le manga également à 54%. Et la bande dessinée jeunesse, elle, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 78% en 10 ans. A contrario, la BD patrimoniale, donc des titres comme Tintin, Astérix, Lucky Luke, Bully Bill et autres, n'ont plus vraiment la cote et eux affichent un recul d'environ 19% des ventes. Et en terminant, puisqu'on parle d'Astérix, mentionnons que la planche originale de la couverture originale d'Astérix, le Tour de Gaulle, s'est envolé à la hauteur d'environ, mon Dieu, 1500 euros presque, fait compris. Alors, évidemment, faites le comparatif du côté des dollars canadiens. Vous verrez que c'est un montant quand même assez astronomique. Alors, c'est d'ailleurs un record. Alors, voilà pour ces clins d'œil en musique cette semaine. C'est la formation Coda qui nous accompagne avec son album Sweet Bits. Voilà, toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ensemble des émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, on porte un regard sur un album qui est arrivé du côté de l'auto-édition, donc qui s'appelle L'Idiot, une adaptation du roman de Fédor Dostoïevski. C'est une adaptation donc en 2 tomes. Le 2e tome est arrivé, en mi-année environ, et le premier date, lui, de 2015. Et l'auteur est avec nous au bout du fil pour en jaser. Jocelyn Bonnier, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être dans le fond, remontons, faisons l'historique un peu de ce projet-là. Qu'est-ce qui vous avait amené à choisir d'adapter L'Idiot en bande dessinée? De ce que j'en comprends, c'est un projet que vous traînez depuis déjà un certain temps, depuis l'époque du cégep, en fait, dans votre cas. Oui, moi, c'était quand je l'ai lu, j'avais un cours de littérature, puis je nous encourageais à lire des classiques, puis moi, je cherchais d'acheter dans la bibliothèque de ma mère qu'est-ce qu'il y avait comme classique, puis j'ai vu L'Idiot, puis c'est sûr que le titre, ça accroche, puis j'ai commencé à lire, puis tout de suite, dès le premier chapitre, j'ai voulu en faire quelque chose, l'adapter d'une façon ou une autre, là. Et qu'est-ce qui vous avait happé particulièrement, justement, dans ce récit-là? Surtout le personnage de Nastassia Philippovna, puis l'amour que Léon, le personnage principal, a pour elle. Puis c'est comme un personnage assez fort, qui est comme un peu, non seulement juste une femme, mais un genre d'esprit qui plane au-dessus du roman. Je sais pas, ça m'a fasciné, surtout le personnage. Puis, c'est bien écrit aussi, c'est Dostoïevski. Ça te prend vraiment au fond de ton âme, d'après moi. Ça m'a touché vraiment de beaucoup dès le début. Là. Et évidemment, après ça, le défi, c'est de voir aussi dans quel contexte choisir de l'adapter, parce que d'un côté, on a l'option d'y aller avec le récit, la thématique, et de faire de la grosse recherche sur la Russie de l'époque et le reste, mais vous avez choisi plutôt de nous amener dans une adaptation qui transpose le récit dans le Québec des années 2000. Oui, c'est ça, parce que je voyais le travail que j'avais devant moi de recherche, comme vous avez dit, n'importe quel objet, c'est là que je le vois quelque part, que je la recherche, donc une poignée de porte ou n'importe quoi, là, une commode ou je voyais le travail un peu trop gros, fait que j'ai comme mis de côté. Là. Puis là, j'ai eu un flash pour l'adapter au Québec, fait que ça va être plus facile. C'est comme des choses que je peux plus, mieux comprendre aussi. Fait que la Russie tsariste du 19e siècle, c'est comme quelque chose de vraiment alien, là, quelque chose que je peux pas vraiment comprendre là, en tant qu'occidental du 21e siècle. Fait que c'était plus facile de l'adapter aujourd'hui, à des réalités d'aujourd'hui. Et dans le contexte du récit, justement, le héros qui s'appelle désormais Léon Michaud, mais plutôt que de revenir d'une cure de santé en Suisse, vous le faites revenir d'Afghanistan, d'une mission en Afghanistan. C'est ça. Parce que dans le roman, il arrive de Suisse, justement, dans un autre pays. Il fallait qu'il y ait un contraste entre la Russie et la Suisse. Dans ce temps-là, il y en avait un assez fort, surtout climatique. Puis, parce que oui, si je le faisais revenir de Suisse puis du Québec, pas vraiment un gros changement, c'est qu'il me fallait un gros contraste. Puis j'ai eu l'idée de l'Afghanistan, d'un médecin militaire. Comme ça, j'ai pu avoir mon gros contraste dès le début. Et puis justifier peut-être aussi, j'imagine, le côté altruiste, le côté la nature de ce héros-là qui est beaucoup au service des autres, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Il est très, sans être servile, il est très, très humble, puis très. Il s'abandonne aux autres, c'est ça. Puis, c'est quelque chose qu'on voit moins souvent, mais surtout notre civilisation un peu individualiste. Mais c'est ça, il paraît qu'il détonne aussi, c'est ça, non seulement par son accoutrement, puis par son caractère aussi. Et pour orienter un peu ce choix-là, est-ce qu'on se base ou est-ce qu'on écoute des témoignages de soldats, par exemple, qui reviennent de guerre et le reste? Parce que vous intégrez aussi beaucoup dans le récit, justement, une dynamique de flashback, une dynamique un peu des traumatismes qu'on peut avoir dans ces situations-là, quand c'est pas nécessairement non plus dans notre nature d'accomplir des actes sombres, qu'on y va pour aider, mais qu'on se retrouve face à des situations difficiles. Donc, vous intégrez aussi beaucoup ces dimensions-là. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme on essaie d'aider, mais on rend les choses pires, hein, un peu. C'est un peu ça, un des thèmes du roman. Il veut aider tout le monde autour de lui, mais ça se retourne un peu contre les personnes qu'il veut aider, surtout Anastasia. C'est un peu l'idée de la guerre en Afghanistan. On voulait aider, puis on n'a pas vraiment réussi. Là. Et Jocelyn Bonnier, vous l'avez dit tantôt, en fait, Dostoïevski, c'est bien écrit, c'est de la grande littérature, comme on dit. Mais évidemment, c'est pour moi aussi, je me rappelle quand je le voyais justement aussi jeune dans la bibliothèque de mes parents, c'est un livre absolument énorme. Comment on réussit à transposer ce récit-là sans trahir le récit vers un médium comme la bande dessinée? Ouais, ben, c'est de la première partie, ça a été quand même assez facile à adapter parce que c'est quand même linéaire. C'est la scène A. La voix amène à la scène B, puis c'est, la première partie, c'était quand même assez. J'ai pas eu trop de misère, surtout que j'ai eu mon filon pour l'adapter au Québec. Mais la deuxième partie, c'était plus. Je me suis plus approprié, parce que dans le roman, on dirait que ça s'étend un peu, là. Il y a beaucoup de monologues, puis de. Parce que je trouve qu'il a étiré un petit peu l'histoire, c'est que moi, je l'ai raccourci, puis j'ai mieux plus adapté. J'étais plus. Pour la deuxième partie, juste après moi. Là. Oui, parce que dans le fond, comme c'était moins cadré, mais là, vous pouviez aller avec une autre ambiance. Puis en même temps, ça vient distinguer aussi les deux tomes. Dans le fond, on est dans deux types de mise en scène, deux types de narration qui se complètent bien. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est sûr que c'est surtout à cause du fait que j'ai plus raccourci la deuxième partie. Parce que le roman est beaucoup plus long. Là. Mm-hmm. Fait que j'ai plus raccourci, fait que nécessairement, il y a un ton différent, d'après moi, puis plus négatif aussi. Là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en fait, que vous faites le parallèle entre les deux couvertures. En fait, le premier tome, Québec, vous l'avez mis en blanc, le deuxième tome, Montréal, en noir. Donc, on joue un peu avec ces deux dimensions-là. Et on sait, de toute façon, même dans la dynamique du récit, qu'on s'en va pas vers un dénouement qui est positif. Ouais, c'est ça. Puis, issus des deux villes. C'est comme Québec, c'est comme un peu l'idée de la famille, le foyer, le cocon. Tandis que Montréal, c'est plus la perte un peu de ses repères. Puis c'est un peu comme la perdition. C'est un peu fort, mais un peu... la perte un peu de ses repères, c'est ça. Oui, ben faut jouer avec le niveau symbolique aussi, parce que de toute façon, cette dimension-là est présente, elle existe dans le récit. Alors, dans la transposition, faut voir comment on peut créer des lignes de communication entre ce que Dostoïevski voulait évoquer et comment nous, on peut l'évoquer dans la réalité québécoise aujourd'hui. C'est ça. Ben, j'espère que j'ai pas été trop cannibale. J'ai pas trop cannibalisé, là, mais je suis juste allé avec ce qui m'a le plus ému. C'est que si j'étais fidèle à mon émotion en lisant le livre, ben, je me suis dit, je vais être quand même assez fidèle à l'œuvre aussi. Là. Et dans le fond, au niveau du travail, vous avez travaillé notamment du côté cinématographique. Je pense que vous faites des storyboards notamment. Est-ce que cette partie-là de votre travail est venue un peu influencer, enrichir votre approche côté BD? Ben moi, j'ai plus une formation de cinéma, puis j'ai pas vraiment une grosse culture en bande dessinée. Là. C'est sûr que j'ai comme des auteurs puis des illustrateurs que j'aime, mais je suis pas très connaisseur dans le monde de la BD. Mon univers est plus cinématographique, fait que c'est sûr que mon œil est plus pratiqué à voir des plans plus que des cases. Fait que c'est sûr que ça doit influencer mon style de découpage. Puis j'imagine aider aussi le travail de découpage, parce que il y a beaucoup, j'imagine, de travail de construction, de mise en scène, justement, derrière l'idiot. Ouais, ben ça l'aide, mais des fois ça peut lui nuire, parce que le 9e art, c'est quand même un art en tant que tel. Fait que des fois, c'est comme si j'essayais de passer un scénario de film que j'ai dans la tête, mais de le faire passer dans un format, dans un moule qui ne fait pas nécessairement. Il faut vraiment que je m'habitue à découper la page comme une page, puis non seulement comme une scène de film. Oui, puis perdre ses réflexes un peu, puis en recréer d'autres. C'est ça. Fait que c'est un avantage, puis des fois, ça peut être un désavantage. Il faut respecter l'art, le médium de la bande dessinée pour ce qu'elle est. Pas nécessairement faire un film bande dessinée, mais vraiment une bande dessinée. Là. Et évidemment, sur l'idiot, vous avez travaillé, je pense que c'est l'aboutissement d'à peu près quoi, 5 ans de travail? J'imagine qu'en 5 ans aussi, bon, pas à temps plein, évidemment, mais on en vient à maîtriser d'autant plus les personnages, le langage, l'esprit du récit. C'est un des projets principaux sur lesquels vous attelez en parallèle de votre travail. C'est ça, mais faut que le flash initial soit assez fort pour qu'il nous accompagne tout le long du travail. Faut que ça nous anime pendant 5 ans, fait que faut que ça soit vraiment un coup de cœur, sinon ça on peut pas toffer. C'est pour ça que j'ai pensé à un moment donné adapter Crime et Châtiment, mais l'histoire est tellement sombre et tellement déprimante que je pense pas que j'aurais pu être capable de soutenir pendant 5 ans un travail comme ça. L'idée, c'était un peu plus léger, tant que c'est quand même dramatique. Ça me parlait plus. Oui, puis en fait, c'est une histoire de personnages qui sont aussi très, très charismatiques, d'une certaine manière, chacun à leur façon, avec, vous l'avez mentionné tantôt, Anastasia, qui est au cœur de ce récit-là, qui est la femme autour, la guerre, dans le fond, entre les autres personnages, au bout du compte. C'est ça. C'est vraiment le fil d'arcane, le fil conducteur, d'après moi. Puis même que je l'ai fait, la version afghane d'Anastasia, même si c'est pas nécessairement dans le roman, mais moi, en lisant le roman, instinctivement, je pensais que c'était elle aussi. Hein. Parce que je vous avais dit que c'était pas vraiment une femme, une personne réelle, c'est aussi une sorte d'archétype, c'est comme un personnage éthéré. Hein. C'est ça qui m'inspirait le plus pour l'adapter. Hein. Et comment on fait le casting de ce type de personnage-là? Parce que, dans le fond, c'est quelqu'un qui doit avoir un charisme, qui doit avoir quelque chose qui attire justement les autres autour d'elle, au-delà de la beauté même. Comment on réussit pour bien caster un personnage comme ça? Pour le point de vue casting, j'ai des acteurs, c'est sûr, que j'ai en tête, que j'ai pris des captures d'image, toutes les angles possibles pour pouvoir les dessiner. Elle, c'était un mélange d'un peu de différentes actrices, puis un peu le... Chaque personnage est un peu un mélange de plusieurs visages, un mix de plusieurs... Mais je pense que c'était surtout Mylène Japanoy, une actrice française surtout, puis mélangée avec plein d'autres... les yeux de l'une puis le nez de l'autre. Là, puis j'ai comme... C'est devenu un peu sa propre personne aussi. Là. Oui, puis à la longue, en fait, au fur et à mesure des dessins, des images, des tests, on se rend compte qu'on réussit à le trouver, le personnage, l'allure, le look, l'esprit qu'on veut qui s'en dégage. C'est ça, à force de la dessiner, ça devient un personnage en tant que à part entière, hein. Même s'il y a des inspirations d'autres personnes qui existent pour elle, mais elle devient elle-même aussi, à force de dessiner, à force d'être habituée à la faire. Hein. Et pour l'idiot, autant premier tome que deuxième tome, vous avez choisi le chemin de l'auto-édition. Pourquoi avoir pris cette voie-là? C'est parce que j'avais proposé à des maisons d'édition un peu partout. Mais celles qui pourraient être... je suis pas allé à des places que je savais qui étaient pour le refuser quand même. Mais j'ai attendu 6 mois puis j'ai pas eu de réponse. À un moment donné, je me suis dit, mais si je l'attends en noir et blanc, ça devrait pas être si coûteux que ça. Je m'en demande à part moi-même. C'est pas mal. Oui, donc, dans le fond, la volonté de dire, bah, regarde, le travail, je veux qu'il se fasse, je veux faire ce projet-là coûte que coûte, puis on se lance, on plonge. C'est une œuvre de passion. Là. C'est ça. Puis, ça va peut-être. Comme le prochain projet, c'est la même chose. Si je vais essayer de le proposer, puis si jamais ça fonctionne pas, puis je vais le faire moi-même aussi. Là, c'est quand même. Ça dépend aussi des coûts, mais. C'est quelque chose qu'on veut faire. Et je pense d'ailleurs, parlant de prochains projets, vous êtes sur quelque chose de radicalement différent. On voit quelques images d'ailleurs sur votre page Facebook, votre page personnelle aussi, qui s'appelle Pablo and the Woman, qui est un récit plus lubrique peut-être un peu. Oui, plus comique un peu. Comique aussi, oui. Là, j'ai pas eu beaucoup de temps de travailler là-dessus, mais c'est plus un projet pour m'amuser. Ce serait pas un projet à longue haleine comme idiot. Je pense pour moi le finir d'ici... Si je veux, ou dans ce coin-là. Oui, mais j'imagine, après 5 ans, on n'a pas envie de se remettre pour un autre 5 ans non plus. Ça, c'est pour m'amuser, c'est ça. C'est pour, en attendant la réponse pour mon prochain projet. Et du côté de l'idiot, le premier tome, en fait, je me rappelle, il avait eu quand même une bonne réponse côté estime, côté, bon, des commentateurs BD en avaient parlé de manière assez positive. J'imagine, et j'ose espérer que ce sera la même chose pour le deuxième. Et il y a toujours le défi, j'imagine, de diffusion, dans le fond, pour réussir à trouver l'album. Et donc, où le trouve-t-on? Ils ont pris une trentaine de copies. Tous les magasins spécialisés à Montréal, ils ont tous leurs copies, là. La Porte à BD à Laval, il y a Planète BD, toutes les librairies Z, ils ont toutes des copies. C'est que, puis il y a aussi le réseau des bibliothèques, j'en ai distribué une couple. C'est que, ça devrait être, donc plus du côté de Montréal, si on veut le retracer. Oui, malheureusement, je voudrais que je fasse le tour des bibliothèques à Québec la prochaine fois que je vais y aller. Et s'il y a des gens qui sont à Québec justement, qui veulent mettre la main sur l'album, est-ce qu'on peut les inviter à aller sur votre site web? Ah oui, puis vous pouvez me contacter, puis je peux vous l'envoyer par la poste aussi, ça, c'est possible. Excellent. Alors, il y a des options, il y a des possibilités. Jocelyn Bonnier, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Au plaisir. OK, bye. Voilà, Jocelyn Bonnier, je rappelle, auteur donc de cette adaptation de Dostoïevski, L'Idiot. Donc, première partie, Québec, qui était sortie en 2015. Deuxième partie, Montréal, qui vient d'arriver, en fait, qui est arrivé il y a quelques mois. Et de mon côté, en fait, je vous le mentionne, c'est un roman, un récit qui vaut amplement la peine d'être lu. Donc, faites l'effort de retracer l'ouvrage. Ça en vaut la peine. On s'en va en musique, toujours ici, au 89.1 CKRL. Et on prend quelques instants pour parler de quelques albums que j'ai eu l'occasion de feuilleter, de lire ces derniers jours, ces dernières semaines, notamment fait mention au passage d'un récit, peut-être plus un objet qu'un livre que je vous disais, c'est une lecture classique. En fait, c'est une adaptation d'extrait de l'Ancien Testament, adapté, je dirais pas en bande dessinée, mais entre les deux, dans le fond. Ça s'appelle Le Livre, et dans le fond, essentiellement, c'est de Nicolas Arispe. Et lui semble vouloir se replonger un peu dans l'esthétique des gravures anciennes dans les livres, là, les vieilles éditions, souvent de ce type de gravure-là en noir et blanc, très saturé. Alors, c'est cette approche-là qui va avec une adaptation donc de récits de la Bible. Donc, on va chercher des récits emblématiques, donc l'histoire d'Abraham, l'armée d'Ézéchiel, la souffrance de Job, les lamentations du pêcheur, etc., etc. Donc, on va chercher ces épisodes-là et on prend des extraits du texte original. Donc, il n'y a pas de bulle, le texte est en dessous des cases. Et on découvre donc ce texte-là, mais surtout donc on découvre l'ambiance dans laquelle il nous plonge. Et c'est là qu'il y a l'intérêt, si on peut dire, de la démarche, c'est qu'on choisit donc d'adapter ces 7 chapitres-là, mais avec des dessins qui se transposent, dans le fond, le récit dans un autre contexte, voire un autre monde. On y va avec des personnages anthropomorphes. Donc, par exemple, l'archange Michel, ben c'est un rapace. Job est c'est un reptile avec la peau qui est rongée dans le fond par son doute d'une certaine manière. On y va avec Abraham qui est un ours, alors qui sacrifie son fils en plein milieu de l'Arctique. Alors ça vient apporter une autre dimension à ce récit-là. Ça apporte un côté expressif, un côté aussi, j'allais dire surprenant, mais je pense que je l'ai déjà dit, mais un côté peut-être aussi qui force à une remise en position, si on peut dire, du récit qui est proposé par la Bible. Donc, ça donne un effet qui est assez intéressant, assez saisissant aussi à cet égard-là. Évidemment, le problème peut-être de ça, c'est que c'est pas non plus un livre que vous allez lire et relire. C'est un livre qu'on parcourt une première fois, on lit une première fois, deuxième fois, troisième fois, dans le fond, pour bien saisir un peu les éléments. Et après ça, ben ça devient plutôt un objet esthétique, mais qui est aussi intéressant. Donc bref, je m'égare un peu, mais sinon pour dire que c'est un objet qui est inhabituel, qui est intéressant. Jetez un coup d'œil si vous tombez dessus en bibliothèque, feuilletez-le, vous allez comprendre ce que je veux dire à travers tout ça. Alors ben voilà, ça s'appelle Le Livre, c'est chez Tripode, c'est de Nicolas Arispé. Et dans un tout autre genre, petite mention au passage, en fait, un livre que j'ai lu hier soir, et j'ai bien apprécié, je suis plongé dans le livre joyeusement, un livre plus jeunesse un peu qui s'appelle Jack le Téméraire, le premier tome dans les griffes du jardin maléfique. Alors c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Jack, qui vit dans une maison à la campagne. Sa mère doit travailler pour garder la propriété de la maison, et ce qui fait que Jack doit lui accompagner sa sœur, en fait, dans le quotidien. Sa sœur qui est potentiellement autiste, en fait, c'est jamais dit clairement, mais on imagine que c'est ce type de trouble du spectre de l'autisme qui est ressenti de son côté. Donc, ce qui fait qu'elle est muette, elle est très ancrée dans son monde, dans sa routine, dans sa réalité, et son frère va être obligé de l'apprivoiser d'une certaine manière pour entrer dans son quotidien, à défaut de pouvoir la faire entrer dans le sien. Et au détour, à un moment donné d'un marché, on va tomber sur quelqu'un qui leur vend des graines pour faire un jardin. Et la sœur, va sortir un peu de son isolement pour commencer surprenamment à parler. Finalement, va s'intéresser grandement à ce jardin-là. Mais ce jardin-là n'est pas un beau jardin. C'est un jardin qui semble maléfique et qui semble magique aussi en même temps. Alors, ça donne une dynamique assez particulière où finalement, on s'amuse à l'explorer, à rester un peu autour de ce jardin-là, mais en ayant toujours conscience qu'il y a une dimension plus sombre à travers ça. Et donc, au fil du récit du premier tome, ben, c'est un récit initiatique, peut-être un peu, où Jack refuse initialement ses responsabilités, éventuellement va être obligé de les assumer, et où il y a des événements qui vont amener vers, puisque c'est le premier tome, vers une série évidemment qui vont en ressortir. Alors c'est un dessin qui est coloré, qui est sympathique. Donc, c'est de l'Américain Ben Hatt qui avait déjà offert, en fait, Zita, la fille de l'espace, qui était publiée chez Rue de Sèvres. Donc, c'est vraiment, enfin, un dessin sympathique, avec un côté Stephen King, peut-être, un côté conte de fées aussi là-dedans. Donc, c'est bien fait en ce sens-là. Il n'y a pas non plus de grandes explications. On s'oblige pas à justifier tout et le reste. Le récit se lance, progresse. On réussit à capter un peu disons, la naïveté de l'adolescence, on réussit à capter les volontés de créer des liens. Donc, c'est un récit qui est quand même bien équilibré, qui fonctionne bien, dimension sentimentale, dimension action. Il y a par moments on dit, ben pourquoi ils font ça, on arrive parfois un peu mal à saisir certaines choses, mais d'un autre côté, on embarque et c'est un récit qui déboule joyeusement, en fait. Donc, vraiment une belle surprise, je savais pas trop à quoi m'attendre en parcourant ce livre-là. Et si vous avez l'occasion encore là et vous cherchez un bon récit jeune et dynamique pour surtout un public peut-être un peu plus jeune, justement, ben Jack le Téméraire, premier tome, peut, ma foi, accomplir ce rôle de belle façon. Alors, on retourne en musique avec Sweet Bits de Coda. On écoute un troisième extrait. Deuxième demi-heure de La Vie en BD ici sur CKRL. Je vous invite d'ailleurs également à nous suivre sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Et pour amorcer cette deuxième demi-heure, on s'intéresse à une bande dessinée qui vient tout juste de paraître du côté de Casterman. Ça s'appelle Betty Boob. C'est de Véro Cazzo et Julie Rochelot. Et ben justement, la dessinatrice est avec nous pour en jaser. Julie Rochelot, bonjour. Bonjour. Alors, mais peut-être, en fait, je commencerai par présenter un peu la BD. Si on y va purement, en fait, sur le plan du récit, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, la faute au cancer, doit se faire enlever un sein, qui, de cet instant, en vient à se perdre pour mieux se retrouver ensuite, notamment par le biais du burlesque. Et bon, c'est un peu les grandes lignes du récit que vous proposez avec Véro Cazzo, mais si j'y vais strictement avec l'histoire, j'ai l'impression qu'on perd l'essentiel. Betty Boob, en fait, j'aurais presque envie de dire, et vous me direz si j'ai tort ou raison, mais pour moi, c'est un récit qui est évidemment muet, donc très visuel. Mais c'est une explosion de couleurs, d'énergie, un récit plein d'imaginaire, plein de poésie, plein de loufoquerie à la limite. Oui, oui, oui, tout à fait. Bon, on aborde un paquet de sujets tristes, mais plutôt de façon humoristique. Comme quoi, justement, l'humour, c'est très bénéfique, justement, dans les moments durs. Puis, bon, ça commence, comme vous dites, avec un cancer. Bon, la Betty se fait une mastectomie. Et ça, c'est le prétexte, en fait, pour... partir, si vous voulez, sur différents thèmes, dont celui, justement, de la représentation du corps des femmes, toutes sortes de choses à propos de beauté imposée, de gabarit, de machin. Bon, c'est ça. Le prétexte, c'est qu'elle a un corps atypique, elle se retrouve avec une poitrine asymétrique, mais elle en fait un atout, elle en fait, comme son petit truc à elle, elle en fait quelque chose de, un plus, en fait, alors que c'est... elle a quelque chose en moins, mais elle en fait un plus. Et c'est comme ça que se reconstruit une vie en tournant quelque chose de très dramatique en positif. Donc, finalement, c'est que de la joie. C'est pas du tout dans le pathétique, dans le larmoyant. Ben, c'est très burlesque, déjà, pas juste à cause qu'il y a des spectacles donnés au burlesque, mais à cause vraiment... si on vient au terme premier de burlesque, ça veut dire que c'est de la comédie, c'est de la loufoquerie, du slapstick. Donc, c'est bien du fun à faire ça, en fait. Oui, puis j'ai l'impression, en fait, qu'à la limite, le fait d'avoir pris le pari d'offrir une BD muette permet justement d'aller chercher cette légèreté-là, parce que si on rentre des dialogues dans certaines séquences, on se dit, OK, il y a peut-être plus de risque de pathos, risque de lourdeur, justement. Oui. Avec le muet, bien, c'est au contraire, c'est tout l'esprit de légèreté puis de folie qui ressort en premier chef. Oui, oui, bien, tout est dans l'expression des personnages, donc c'est forcément exagéré, d'une part, pour qu'on comprenne, mais aussi parce que toute la place est donnée à ces expressions-là puis à ces gestes-là. Donc, moi, j'étais trop contente, justement, qu'une scénariste me propose de faire une bande dessinée muette. J'imagine, pour elle, ça a été quand même difficile, puis un bon défi d'imaginer tout ça dans sa tête sans avoir recours au dialogue, justement. Et peut-être aussi que c'est un peu faire violence de ne pas écrire des bons dialogues quand on est scénariste, ça, je ne sais pas. Mais moi aussi, c'est un peu un défi, évidemment, ne pas me servir de ces dialogues-là comme raccourci. Ouais, je pense que j'étais un peu faite pour faire la BD muette, en fait. J'ai vraiment aimé ça. Et quand Véronique Cazot est arrivée avec le projet, je pense que, de ce que j'ai cru comprendre, elle avait écrit un scénario sous forme de découpage linéaire, mais pas de découpe en plan, justement, avec un peu de documentation, mais pas. Elle voulait laisser une certaine liberté? Ou comment ça s'est passé? Un découpage. La plupart des scénaristes font la plupart. En tout cas, il y en a beaucoup qui font quand même un découpage en planche, plus ou moins précis. Elle m'avait fait un découpage en planche, oui, avec différentes suggestions de mise en scène, mais ça reste que des suggestions. Après, moi, j'ai rajouté des planches, j'en ai enlevé à certains endroits. On en a discuté. Je dis, qu'est-ce que tu penses si je rajoutais une page double à cet endroit ou si je prenais telle scène et que je la mettais à tel endroit. Et donc, on en a quand même beaucoup discuté puis on a monté ça un peu ensemble. Puis, évidemment, oui, j'avais beaucoup de liberté. Parce que je travaille comme ça, moi, je m'ennuie si on me décrit trop les choses d'avance. Puis, aussi, c'est dans une bonne équipe aussi, c'est comme ça. La personne qui a fait son scénario, elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir jouer dedans, puis ça y appartiendra plus tant que ça en quelque part. Je sais pas à quel point il faut faire un sacrifice à ce niveau-là. Mais oui, j'ai pris des libertés. Ça reste son scénario à elle, cela dit. C'est vraiment ses idées, puis ses personnages. Et j'imagine que comme dessinatrice, en fait, vous l'avez dit un peu, et quand on voit arriver un projet comme ça, qui est un vrai hors norme, ça devient un beau terrain de jeu, ça devient une belle occasion d'essayer de faire des trouvailles sur le plan visuel, d'expérimenter aussi. Oui, oui, mais ça, j'aime ça faire ça tout le temps. Et Thibaut, justement, au départ, peut-être un peu comme à chaque fois que je débute un album, je vois pas nécessairement jusqu'où je peux aller. Je sais pas comme à quel point il peut être grand le terrain de jeu. C'est en commençant à travailler, puis en essayant des choses, puis en essayant de pousser un peu plus loin, c'est toujours en tâtonnant, voir jusqu'où on peut aller, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, il n'y en a pas de limite. Vas-y, va plus loin, puis essaye n'importe quoi, puis on échange, puis on montre à d'autres, puis on voit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins. Puis, c'est un peu comme ça, à chaque nouvel album, on essaye de pousser les barrières un peu, puis d'apprendre des nouveaux trucs. Et quand je parlais de vente folie par moment, il y a deux exemples. En fait, je pense que les gens qui vont lire l'album vont bien saisir. Mais dans le fond, il y a une course-poursuite qui est un brin surréaliste, un brin absurde entre Betty et sa perruque. Ou encore, il y a un braquage dans une boutique de prothèses mammaire qui est tout aussi étonnant. Donc, où on va carrément on parlait de cinéma burlesque tantôt, mais on est carrément là-dedans dans ce type de séquence-là. Oui, mais c'est ça. Il y a des scènes qui ont absolument pas d'allure. C'est absolument pas réaliste. Puis en même temps, les personnages, on a essayé de les rendre très humains et très crédibles. Et c'est pas... je me suis inspirée quand même dans ces scènes loufoques-là, de vieux cartoons des années 30, par exemple, où justement tout se passait, des trucs incroyables, tout était comme vivant, tout était comme... Tout pouvait arriver, mais les personnages étaient quand même très unidimensionnels. Alors que nous, on a une espèce d'univers complètement wacky, puis on voulait quand même qu'on sente... Les sentiments, on concentre les motivations de chaque personnage, puis c'est ça, des fois c'était délicat parce qu'on pouvait aller trop loin dans un ou trop loin dans l'autre, ça marchait plus. Oui, il faut trouver l'équilibre en forme des séquences comme oui. Ça, puis d'autres aussi plus tragiques, parce que reste qu'on parle quand même de mastectomie, on parle quand même de cancer, de nécessité de réinvention après ce qui est un traumatisme. Et ce traumatisme-là, entre autres, dans la séquence d'ouverture, c'est superbe aussi, des crabes qui viennent justement lui manger le sein au bout du compte. Oui, oui, bon, il y a quand même, faut qu'on comprenne bien tout le malheur qui lui tombe dessus. Il faut quand même qu'il y ait des scènes un peu plus tragiques. Il y en a. Mais après, c'est que ce personnage-là est infiniment positif. C'est une fille qui a juste plein de ressources. Puis elle se laisse jamais abattre. Puis elle reçoit une brique, puis une autre. Puis elle se relève, puis elle essaie autre chose. Puis elle se laisse juste pas abattre. C'est pour ça que c'était super génial de travailler là-dessus. Puis il me semble que ça fait du bien aussi des histoires... des bonnes histoires comme ça. Non, la vie, c'est pas tout le temps beau. Des fois, c'est vraiment de la merde, même. Mais c'est pas grave, ça nous rend plus fort. C'est un peu quétaine de le dire, mais c'est quand même ça, quoi. Oui, mais en fait, c'est ça devient un peu, comme on le disait, l'histoire d'une renaissance au bout du compte. Puis l'idée, oui. En fait, un peu, parce qu'il y a un côté presque militant dans ce que vous proposez, un côté engagé, un côté féministe, d'une certaine manière, où on on peut jouir de nous-mêmes en étant typiquement nous-mêmes sans être obligé de constamment se référer au regard des autres. Oui, exactement. Puis dans le cas de Betty, donc c'est une fille un peu flirty et tout, coquette. Et puis là, on lui enlève un attribut justement sexuel, un attribut typiquement féminin. Mais finalement, cette perte-là devient un plus pour elle, justement, parce qu'elle n'est pas démontable, parce qu'elle n'est pas atteignable si facilement. Puis elle veut juste être elle-même, quoi qu'il arrive. Elle veut pas avoir d'artifice autour d'elle nécessairement. Elle veut juste pouvoir jouir de son corps tel qu'il est. Puis les autres ont pas à lui dire comment qu'elle devrait être ou comment se comporter ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est dans le cas de... Si on parle d'une poitrine asymétrique, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Il faut arrêter un peu de s'excuser parce qu'on n'est pas pareil comme la silhouette à la mode. Là, tout le monde a le droit d'exister. Tout le monde est beau à sa façon. Oui, et on le voit bien, en fait, quand on arrive justement dans la famille burlesque, si on peut dire, dans la troupe qu'elle va rejoindre en cours de récit, où là, on joue justement avec une variété de corps, de personnalités, chacun qui à sa façon s'assume et se donne le droit d'être lui-même. Et donc, vous lui avez donné aussi une belle famille à ce personnage-là. Oui, ben c'est un autre des thèmes de l'album aussi, c'était le support et l'importance d'être juste bienveillant avec les autres, pas juste les ignorer ou les mépriser ou peu importe. Des fois, c'est... Il faut mettre un peu l'épaule à la roue, il faut aider les gens à se relever, il faut les aider. Puis, c'est une belle famille que cette troupe-là, justement, sont toutes un peu différentes, mais c'est pas grave, tu sais, ils mettent en commun surtout leur joie de vivre. Puis, je sais pas trop comment le décrire, mais voilà, c'est une belle famille, simplement. Et justement, j'imagine que le défi, c'est de trouver aussi les bons personnages, de trouver parce qu'il faut que ça soit expressif, il faut qu'ils puissent tenir le récit, justement, simplement avec leur regard, avec leur geste. Il faut qu'on concerne facilement aussi leur personnalité sans avoir besoin, comme on en parlait tantôt, d'aller chercher des béquilles de texte et autres. Donc, comment on procède pour réussir à trouver justement nos bons personnages, nos bons ingrédients, si on peut dire, pour après ça se lancer dans le récit? C'est une question, je ne sais pas si elle est complexe. La réponse ne vient pas tout de suite. En fait, on ne sait jamais si on a la bonne affaire, je pense. On y croit. T'sais, moi, je vais faire ce que je pense qui est mieux. Mais après, ça reste toujours la réaction du lecteur qui nous rassure, dans le fond. Puis là, on se dit, ah, OK, ça fonctionnait. Ah oui, les gens comprennent bien. Puis les gens aiment le personnage que moi, j'aimais, que Véro a créé. On l'aimait toutes les deux, on voulait que les gens l'aiment aussi. Des fois, on peut passer à côté, mais selon ce qu'on entend, non, c'est pas le cas, puis ça fait chaud au cœur aussi. Et évidemment, dans ce contexte-là, en fait, du récit, on parle de dessin, évidemment, mais je pense que ça serait important aussi de mentionner la couleur, en fait, parce que elle reste omniprésente, en fait, de manière générale dans votre travail, Julie Rochelot, et j'ai l'impression, d'autant dans ce livre-là que dans les autres, en fait, vous l'utilisez pour nous faire ressentir des choses, pour pratiquement la couleur, en fait, devient aussi un outil narratif, un outil suggestif. Oui, mais pour moi, la couleur, pour mal du monde, en fait, la couleur, c'est aussi un outil narratif au même titre que la composition, que l'expression, que le dialogue. C'est sûr que ça change énormément. Un même dessin coloré de deux façons différentes change. Le message change, l'ambiance change, le rythme même auquel on va le lire change. On peut se servir de la couleur pour attirer un élément ou un autre. C'est sûr que c'est pas juste pour faire joli. Ça va avec le reste aussi. À chaque nouvel album, j'essaie d'apprendre des nouveaux trucs, j'essaie de varier un peu. Des fois, on a nos tics, on a nos habitudes. C'est difficile à un moment donné de changer de palette après avoir fait Fantomas, entre autres. Parce que là, j'étais vraiment dans les orangés, les verts, puis tout ce que je dessinais devenait orangé ou vert. Alors, il fallait que je travaille longtemps, puis là, dans le défi, c'est plus dans les violets, dans les rouges. C'est l'expérimentation. C'est très intuitif, en fait, la couleur, je pense. Oui, de devenir, en fait, qu'elle vienne se servir le récit. D'autant plus, j'ai l'impression, dans le contexte du récit muet, où on a quand même une transposition, une évolution qui est très nette au fil de l'histoire, des moments dramatiques, du creux, dans le fond, et tranquillement de la remontée avec les creux, de jouer un peu avec cette dimension-là, de réussir à mettre en exergue, peut-être aussi un peu à travers ces éléments-là, le récit, et pour qu'on puisse la comprendre, pour qu'on puisse savoir aussi éventuellement pourquoi elle va aller vers le burlesque, et pourquoi elle va se retrouver dans cette troupe-là. Donc, j'imagine que, il doit avoir une bonne pression de se dire, OK, le récit est là, mais tout dépend du visuel pour que l'histoire marche. Pardon, tout dépend de? Du visuel, dans le fond, dans un contexte d'une BD muette comme ça, au bout du compte, c'est vous qui avez le gros bout de la responsabilité. En exagérant un peu, là, dit à la blague, là, on s'entend. Là. oui, c'est de rester fidèle au... de m'assurer de bien comprendre l'idée, parce qu'au départ, j'avoue que je tournais un peu autour du pot, puis j'avais peut-être tendance à tomber dans des trucs trop patates, justement, trop larmoyants. Donc, c'est pas ça qu'on voulait faire, mais bon, une fois que je crois que j'ai bien compris l'idée, que j'accepte cette idée-là, que je pars à courir avec, finalement, puis là, je m'amuse, là, c'est la responsabilité. Je pense pas à ça, la responsabilité. Plus au défi, puis justement au terrain de jeu, à la limite, c'est ça. Et donc, en fait, dans ce récit-là, au niveau du burlesque, justement, est-ce que vous êtes un peu documenté, voir un peu le type, parce que vous avez aussi des chorégraphies à monter presque à travers ça? Est-ce qu'on va se documenter pour l'esthétique aussi de ces éléments-là? Est-ce qu'on replonge dans des vieux films? Vous avez mentionné un peu des dessins des années 30, peut-être les frères Fleischer et d'autres. Est-ce qu'on replonge un peu visuellement là-dedans pour s'en inspirer? Ah oui, c'est ben tout ça, tout ce que vous venez de dire là. Ben moi, le burlesque, j'aimais déjà ça quand même depuis une dizaine d'années. Donc, je connaissais un peu déjà. Après, bon, c'est sûr que là, on fait une BD avec du burlesque dedans. Je vais en profiter pour aller voir plein de shows. Je vais en profiter pour aller plus souvent au Dr. Ketchy. Évidemment, j'ai écouté plein de vieux films de Buster Keaton, entre autres. Puis, évidemment, les vieux Betty Boop avec un P. Pour trouver des idées. Puis aussi, des fois, c'est juste pour des clins d'œil dans le décor ou des petits détails comme ça pour les initiés ou... Des petits symboles que je peux rajouter comme ça, mais oui, c'est sûr que je me suis fait plaisir à... Des fois, c'est un peu un prétexte, c'est « Ah oui, c'est de la documentation », mais en fait, c'est vraiment pour le plaisir aussi. Et on parlait de Betty Boop, justement, avec le P, vous l'intégrez un peu aussi à un moment donné dans le récit, il y a un bon clin d'œil. Oui, ben oui. Ben, son nom vient pas de nulle part non plus. Et donc, en fait, une fois le projet terminé, est-ce que vous avez déjà une idée de ce sur quoi on va vous retrouver bientôt? Oui. Ben, en fait, j'ai commencé à travailler sur une BD. Là, ça va être chez La Pastèque. C'est avec All Québécois Team. Ça va être avec Sophie Bienvenue, la jeune romancière, écrivaine, et poète et cinéaste qu'en ce moment... Attends, c'est sur son nom que et au pire on se mariera, on capable de faire des phrases complètes. Et au pire on se mariera, c'est un film en ce moment à l'affiche qui est basé sur son premier roman, mais on en a écrit tout plein d'autres. C'est un autre genre d'humour beaucoup plus caustique. Et j'ai juste de commencer là, donc je peux pas trop vous dire de quoi ça parle. On va le découvrir en cours de route. Julie Rochelot, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Au plaisir. Merci. Alors voilà, c'était Julie Rochelot, donc dessinatrice sur l'album donc Betty Boob, du côté de Casterman, scénarisé par Véronique Cazot. Album absolument superbe, si vous le croisez en librairie. D'ailleurs, là, je t'ai absolument un coup d'œil. Là, vous allez comprendre de quoi on parle quand on parle d'explosion, d'éléments visuels et le reste. Là, donc ça vaut vraiment, vraiment la peine. Droite de l'émission La Vie en BD pour cette semaine et on va plonger dans un rendez-vous de la BD qui s'en vient en fait mercredi 25 octobre, rendez-vous de la BD intitulé 1792, l'aventure d'un recueil collectif et Michel Giguère est avec nous au bout du fil pour en jaser. Michel, bonjour. Salut Raymond et merci encore et encore de me recevoir. Ça me fait plaisir. Et Michel, évidemment, ce titre-là, pour les auditeurs, devrait évoquer quelque chose. On en a parlé à quelques reprises, notamment en avril dernier. L'Assemblée nationale du Québec, les publications du Québec, on va faire un album collectif qui commémore la création du Parlement à Québec, les premières élections de notre histoire également. Et au début du projet, Michel, tu as été recruté donc par l'Assemblée nationale pour co-diriger le projet, en lien évidemment avec tes 25 années d'enseignement de la BD et ton expertise. Et ton implication s'est amorcée il y a déjà quelques temps donc, et ne s'arrête pas non plus avec le lancement de l'album qui a eu lieu en avril dernier, puisque tu as animé une série de rencontres à travers le Québec autour de 1792. Ouais, ben une courte série qui est pas terminée d'ailleurs. Ça a commencé dès le lendemain du lancement dans l'auditorium du Musée de la Civilisation avec une projection commentée en présence des quatre BDistes qui ont participé à l'album, soit Riel Godbout, Varro, Vincent Giard et Van. Et puis ensuite, j'ai récidivé à la fin de mai au Festival BD de Montréal, cette fois-là avec Réal et Van, ainsi que l'historien Christian Blais, qui était pour le recueil responsable des textes et aussi de l'iconographie d'époque. Et puis finalement, ben le 3 novembre prochain, à nouveau Christian, l'historien, Réal et moi allons rejoindre Varro à Rimouski pour le Salon du Livre de là-bas. Et plus tard cet hiver, là, on va conclure la tournée à Trois-Rivières, mais la date n'est pas fixée encore. Et Michel, en fait, je vais me permettre une question. En fait, quel est l'intérêt peut-être pour toi en tant qu'organisateur et animateur de consacrer ton rendez-vous de la BD à ce projet? Dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené peut-être à choisir d'amener cette thématique-là dans le contexte des rencontres que tu offres? Ben, c'est que ça me permettait d'en parler autrement, parce que ça aurait pas été très motivant pour moi de répéter un petit peu le même type de présentation que je fais aux endroits que je viens de nommer avec les dates. Par ailleurs, ben je le fais d'ordinaire de façon un petit peu officielle. Je représente, si tu veux, l'Assemblée nationale qui m'embauche pour ce faire. Alors que là, ça va être mon rendez-vous de la BD. Ce sera donc plus informel. Et par ailleurs, j'aurai pas d'invité, donc on sort de la formule question-réponse. À la place, ça va se passer sur le mode de, si tu veux, il était une fois. Je vais raconter, littéralement raconter les 2 ans qu'ont duré le projet, comme une histoire, comme une aventure. En fait, c'est ça que ça a été aussi, une aventure. Et pour tout avouer, j'ai eu cette semaine un fond noir à préparer mon texte de présentation, puis aussi à tout réorganiser les images, puis à en ajouter. Oui, parce que évidemment, en fait, pour les habitués des rendez-vous, il y a toujours l'écran, les planches, c'est un des éléments phares, parce qu'on peut analyser, observer, voir tout ça avec, disons, en plus gros que sur les pages. Oui, puis là, d'autant plus que c'était les planches de certains BDistes avec qui je collaborais et qui sont, de façon générale, très tatillons sur la qualité de leurs images quand on s'en sert, quand on les montre. Donc, ils m'ont envoyé des choses avec une résolution totalement hallucinante, peut-être un peu exagérée, mais enfin, bref, ça va bien sortir, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, je projetterai pas seulement les planches, il y aura les croquis préparatoires, leur découpage aussi, mais par ailleurs, les images d'archives choisies par Christian Blais, les images qui les ont inspirées, dont ils se sont servis, et en fait, il y aura en plus des photos des artisans qui ont travaillé sur ce projet-là, souvent d'arrache-pied, que ce soit les BDistes eux-mêmes à leur table de travail, l'historien dans son bureau, ou encore la coordonnatrice du projet, Magali Paquin, qu'on verra par exemple en entrevue radio ou chez l'imprimeur. Donc, c'est l'expérience que j'ai vécue avec ces partenaires-là qui représente pour moi l'occasion d'offrir aux habitués des rendez-vous, puis aux nouveaux, aux gens qui sont jamais venus aussi, une soirée vraiment inédite, différente de toutes les autres depuis 12 ans. D'abord parce qu'il sera question d'un seul album, ensuite parce que c'est l'album lui-même qui va être la véritable vedette de la soirée, en tout cas l'une des deux vedettes. On va parler de sa longue gestation, de son accouchement, ses premiers pas dans le monde, c'est-à-dire l'accueil qu'il a eu dans les médias et auprès du public. Bref, c'est un peu, il était une fois, un projet de livre fort compliqué. Et tu dis, Michel, une des deux vedettes de la soirée, l'autre vedette, ce sera qui ou quoi? Ben, c'est qu'au mois d'octobre, depuis maintenant 8 ans qu'existe le Festival littéraire Québec en toutes lettres, j'arrime le sujet du rendez-vous de la BD à la thématique de chaque édition du festival. Et mon activité est ainsi intégrée à la programmation de Québec en toutes lettres, programmation que je viens aussi enrichir, donc tout le monde est content. Et puis cette année, le thème de Québec en toutes lettres, c'est justement la ville de Québec, notre ville. Et il se trouve que Québec est le siège du Parlement, le théâtre des quatre BD réalisées pour 1792 à main levée. Et donc, l'autre vedette de la soirée, ça va être Québec. Et en bonus, en fait, comme à chaque mois, les participants au rendez-vous de la BD courent la chance de gagner un album offert gracieusement par la librairie Pantoute. Alors ce mois-ci, ben, on imagine bien quel sera l'album qui va être retiré. Oui, il n'y a pas de gros suspense de ce côté-là. Et Michel, en fait, l'automne des rendez-vous de la BD se dirige aussi avec d'autres rendez-vous, d'autres rencontres hors normes. En fait, il y en a une de prévue que j'aurais envie qu'on mentionne au passage avec Michael, où tu vas jaser mise en scène avec lui là, bientôt. Écoute, le point de départ de ça, c'est un lancement de... Écoute, ça fait quand même quelques années de ça là, que ça a mijoté. Je me souviens même plus quel album il lançait. Et puis, c'était peut-être Promise, tome 1. Je dis ça sous toute réserve, mais c'était son lancement. J'échange quelques mots avec lui, mais surtout, je l'écoute parler avec les gens qui venaient faire signer, dédicacer leurs albums. Et je me suis dit, mais ma foi, ce gars-là est tellement articulé, c'est tellement intéressant de l'entendre parler de sa méthode de travail, mais pas juste... impressionnant, en fait, à quel point tout est réfléchi, en fait, dans son travail. Ça. Ouais, c'est pas tant de nous expliquer quoi que ça peut être intéressant, mais tu sais, je me lève à 8 heures, puis je travaille tant d'heures, puis avec tel outil. Non, ça va plus loin que ça, c'est vraiment sur le plan conceptuel, comment il conçoit, comment il construit ses planches, et pour quelles raisons sa mise en scène, puis sa mise en page est construite de telle manière pour produire tel effet. Fait que quand on parle de ça, image à l'appui... Ah non, c'est impressionnant. Et ben je te devance un peu parce que ça, on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler dans un prochain rendez-vous. D'ici là, j'invite les gens à aller entendre ton aventure de 1792, donc mercredi le 25 octobre. Oui, je vous attends tous. Salut bien, à mercredi. Ciao. Salut. Alors voilà, c'était Michel Giguère, donc animateur des rendez-vous de la BD. Et nous, c'est ainsi qu'on va conclure cette édition de l'émission. La semaine prochaine, on aura entre autres Tom avec nous pour jaser de son album 7. India Desjardins également pour présenter son histoire de cancer qui finit bien et plus. Alors c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.